premier temps d'une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la naissance d'un pays, Israël. Pour débuter notre série consacrée à Israël et en ce jour du 70e anniversaire de la déclaration d'indépendance, c'était le 14 mai 1948, ce matin nous allons nous intéresser au peuplement de la Palestine ottomane, mandataire, puis d'Israël. Avec nos trois invités, nous allons nous intéresser donc à la volonté des fondateurs de l'État, par exemple de créer un melting pot. Qu'en est-il aujourd'hui? Qui a peuplé, qui peuple aujourd'hui Israël? C'est ce que nous verrons avec Anaïs Quin, qui a préparé toute cette semaine avec nous, et avec nos trois invités. Donc Alain Diekhoff, il est directeur de recherche au CNRS, et directeur du CERI à Sciences Po. Caroline Rosenholz est géographe. Elle est maître assistante associée à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Lavillette et de Paris-Val-de-Seine. Et William Berthemière sera avec nous au téléphone. Il est géographe, il est spécialiste d'histoire des migrations et il a travaillé en particulier sur les migrations dans le pays dont nous parlons toute cette semaine, à savoir Israël. Il est directeur de recherche au CNRS à l'Université de Bordeaux à l'UMR Passage. Nous jurons de servir fidèlement la Haganah et d'obéir en toutes circonstances à ses chefs. Nous jurons de donner notre vie pour sauvegarder l'État d'Israël. Avant de se séparer, de se disperser aux quatre coins de la Palestine, de la Judée à la Galilée, du Négev à la vallée du Jourdain, ces 800 femmes soldats chantent une dernière fois en chœur le chant des saboteurs. Pâlés par le soleil de Palestine, les traits durcis par le grand air, ces jeunes filles ou ces femmes, âgées de 18 à 30 ans, viennent de tous les coins du monde. Certaines sont nées sur cette terre qu'elles sont décidées à défendre coûte que coûte, d'autres ont connu Auschwitz ou Ravensbrück, telle cette jeune Polonaise qui conduit actuellement le chœur et qui porte encore sur le visage les traces des sévices allemands. D'autres ont même quitté une vie facile en Europe ou en Amérique pour venir lutter en terre d'Israël. Quelques jours de vie commune, une langue commune, l'hébreu, ont fait disparaître à tout jamais ces différences d'origine, et c'est là le résultat miraculeux de la doctrine sioniste. Un extrait du premier documentaire radiophonique connu en tous les cas à la radio nationale en France, donc réalisé en Israël. Il s'agit d'un documentaire de deux cinéastes français, Nicole Stéphane et Henri Dequet, produit par Jean-Pierre Melville, qui a été diffusé en juillet 1948 sur les antennes de la radio nationale. C'est pour, évidemment, avec cette archive que nous ouvrons notre série consacrée à la naissance et à l'invention d'un pays, d'un État, à savoir Israël. Avec vous, Anaïs Quin, bonjour. Bonjour. Avec vous, Caroline Rosenholz, bonjour. Bonjour. Avec également William Berthemière, vous êtes avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour. Et avec vous, Alain Diekhoff, bonjour. Bonjour. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est intéressant parce que ça fait partie, effectivement, de ce que l'on dit dans ces années 1947-1948, cette idée que l'on va créer un pays avec un véritable melting pot à l'américaine, en prenant tous ceux qui veulent bien y participer et donc faire naître un nouveau pays qui rassemblera de façon quasiment unie et unique des personnes qui viennent pourtant d'horizons très différents, Alain Diekhoff. D'abord, c'est une belle archive que je ne connaissais pas, mais qui est vraiment très intéressante parce que, en peu de mots, il y a pas mal de choses qui sont dites, je crois. D'abord, sur le volontarisme qu'il a fallu aux immigrants à compter du début du XXe siècle pour arriver à construire cet État venant de la diaspora, surtout à l'époque d'Europe de l'Est, hein, beaucoup de Pologne, pour arriver finalement à construire cet État. Donc juillet 48, l'archive date de juillet 48, c'est-à-dire deux mois après la création de l'État, donc c'est tout frais. Et il y a aussi quelque chose qui me semble intéressant, c'est que c'est 1948, comme l'archive le dit, une partie des vraiment tout nouveaux immigrants après 45 sont les rescapés. Il faut savoir qu'il y avait en Europe à cette époque-là, dans les camps de ce qu'on appelait de personnes déplacées, 200 000 juifs en Allemagne, en Autriche, et une grande partie d'entre eux sont allés en Israël. L'épisode le plus connu étant évidemment l'Exodus, qui ensuite on connaît bien le film aussi, qui montrait la force. Donc ça, c'est présent aussi dans cette archive. Donc ça, c'est une dimension qui me paraît en effet très très importante. Et ce qui paraît aussi très flagrant dans l'archive, c'est l'idée que finalement le projet sionisme est achevé. C'est-à-dire que le sionisme a atteint son but. Bah, il a atteint un but. On a la sensation pour nous que l'histoire commence, mais dans l'archive, et peut-être pour vous aussi, c'est-à-dire que le premier projet sioniste est achevé avec succès. C'est avec clair la création d'Israël en 40. Oui, c'est clair que l'objectif le plus important a été atteint, c'est-à-dire la création d'un État. Il faut rappeler que le manifeste du sionisme politique, ça s'appelle l'État des Juifs. Hein, c'est Theodor Herzl, 1896. Et il faut rendre de ce point de vue-là aussi justice à son don presque de prophétie, parce que il avait dit à cette époque-là, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être pas, mais dans 50 ans, sûrement, il y aura un État juif. À un an près, il a été prophète, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et honnêtement, quelque part, il y a une dimension... Je lui attribue pas un sens religieux, mais miraculeuse dans le sens où le terme de miracle est donné dans cette. Mais je crois que c'est assez juste parce que honnêtement, à la fin du 19e au début du 20e, personne n'aurait parié un copec sur la réussite de ce projet. Et puis il y a cette dimension sur laquelle vous travaillez, William Berthomière, la dimension de migration, d'immigration. C'est vrai qu'on oublie combien cette dimension migratoire. Et vous citez en l'occurrence la déclaration d'indépendance d'Israël le 14 mai 1948, qui dit « Nous lançons un appel au peuple juif de par le monde à se rallier à nous dans la tâche d'immigration et de mise en valeur et à nous assister dans le grand combat que nous livrons pour réaliser le rêve poursuivi de génération en génération. » La rédemption d'Israël, William Berthomière, c'est un pays qui a misé justement sur cette question de la migration jusqu'à la création de cet État d'Israël en mai 1948, et peut-être depuis, on en parlera ensuite. Oui, de facto, la source de la croissance démographique du projet d'État d'Israël était basée sur l'immigration et sur l'arrivée de populations. Alors si on regarde d'un premier regard général cette vague migratoire, on compte aujourd'hui plus de 3 millions d'immigrants depuis la création d'Israël jusqu'à aujourd'hui, dont 60% avant les années 90. Ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que cette construction de l'État et cette vague migratoire qui va se développer dès 1948 travaille aussi sur des bases pré-étatiques, puisqu'il y avait déjà une immigration en Palestine qu'on appelait l'immigration pré-Aliot, c'est-à-dire qu'avant les grandes vagues migratoires, hein, selon le terme hébreu, d'Aliya, l'immigration juive vers Israël. Donc il y avait déjà des structures pré-étatiques qui ont permis aussi l'installation des nouveaux immigrants et le développement de l'État d'Israël. Anaïs Kien. Oui, peut-être pour finir avec le commentaire de cette archive, Caroline Rosenholk, on entend bien le commentateur saluer les vertus du sionisme capable de gommer les identités d'origine des immigrants, de ces gens, de ces femmes en l'occurrence, qui s'engagent dans l'armée israélienne. Gommer ces identités, évidemment, ça n'a pas été totalement possible, même s'il y a un travail d'effacement peut-être de l'histoire préalable, qui tente de remettre à zéro une histoire qui commencerait en 1948. De l'histoire et peut-être de la géographie, hein, des origines. Moi, ce qui m'a frappé aussi dans l'archive, c'est l'idée d'hébreu comme langue commune. On sait que c'est évidemment pas un préalable, c'est quelque chose qui a dû s'acquérir, et parfois très difficilement, par les immigrés qui arrivent à ce moment-là, et par la suite, et jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce qu'effectivement, il y avait d'autres langues qui étaient pratiquées, le yiddish par exemple, ou d'autres langues qui correspondaient aux communautés d'origine, qui étaient très éloignées les unes des autres et qui vont se retrouver sur le même territoire. Et donc il a fallu choisir, et le choix s'est évidemment porté sur l'hébreu, mais ça n'a pas été évident. Alors, si on se pose la question, Alain Diekhoff, de savoir, de faire une sorte de photographie au 14 mai 1948 de qui sont les populations qui se trouvent sur le territoire de ce nouvel État, qui s'appelle à partir de ce moment-là donc l'État d'Israël. Qui sont-ils? Combien reste-t-il de Palestiniens qui deviendront des Arabes israéliens ensuite, à ce moment-là, sur le territoire? Combien sont partis? Combien sont là? Et puis, surtout... quelles sont ces communautés qui forgent ce nouvel État? Alors, il faut bien voir que le 14 mai 48, donc la date à laquelle le président du Conseil, hein, le provisoire, pour le moment, du Conseil des ministres provisoire, à savoir David Ben-Gourion, proclame l'indépendance, le pays est dans une situation de guerre. Hein, il faut quand même le rappeler. Ah, bien sûr. C'est que... et justement, la guerre a des effets aussi démographiques, déjà. Parce que depuis le début décembre 1947, il y a une guerre plutôt judéo palestinienne qui se déroule, qui au départ est plutôt à l'avantage des Palestiniens jusqu'au mois de février, et puis qui, à partir de la fin mars, début avril, se fait, disons, est plutôt au bénéfice d'Israël, et qui a une conséquence en effet importante, à savoir le début de l'exode des Palestiniens, en partie du fait de la guerre elle-même, bon, parce qu'ils anticipent un peu les combats, mais aussi, on le sait, même si pendant cette première période, c'est un peu moins le cas, ça sera plus le cas après mai 48, des expulsions menées par la jeune armée israélienne. Donc le point ici, si vous voulez, c'est qu'il y a un bouleversement démographique, hein, c'est-à-dire qu'il y a un départ de la population arabe qui était à peu près 1,5 million, hein, donc c'était sur l'ensemble de la Palestine mandataire, hein, pas seulement sur le territoire qui deviendra israélien. Et puis bon, si on fait le déroulé très très rapide, puisque c'était votre question, quand la guerre se termine en janvier 49, en fait, il y a 60 000 Arabes qui restent, et du fait des négociations liées aux accords d'armistice de 49, Israël va récupérer une partie d'un territoire supplémentaire, le Wadi Ara, dans lequel se trouvent aussi les Arabes. Donc, grosso modo, il y en a à peu près 160 000 qui restent sur le territoire qui est devenu israélien. Mmh. Et qui vont devenir eux-mêmes israéliens. Et qui vont devenir israéliens, qui vont obtenir la citoyenneté au début des années 50, enfin 49 même, puisqu'ils vont voter déjà aux premières élections. Et parallèlement, évidemment, il y a les Juifs qui sont là. Et qui se sont renforcés, en effet, pendant toute la période pré-étatique. Hein. Combien sont-ils à ce moment-là? Alors, ils sont à peu près 600 000. Hein. Ils sont à peu près 600 000. Et ils continuent à arriver. Ou plutôt, ils recommencent à arriver parce que l'immigration était assez largement... Enfin, elle a persisté, mais elle était illégale entre 45 et 48 pour la plupart, puisque les Britanniques avaient mis en place en 1939, juste à la veille de la guerre, un livre blanc qui restreignait de façon drastique l'immigration. Alors évidemment, la guerre elle-même aurait rendu assez difficile, en Europe je veux dire, aurait rendu assez difficile l'arrivée de Juifs à ce moment-là. Mais après 45, les choses ont changé. Mais pourtant, les Britanniques ne changent rien à leur politique, c'est-à-dire qu'ils interdisent l'immigration, ils la restreignent de façon drastique, ils continuent à suivre leur livre blanc. Donc l'immigration entre 45 et 48 est essentiellement ce qu'on appelle une immigration illégale, soutenue par l'État d'Israël, enfin plutôt par les structures pré-étatiques, mais qui est quand même vraiment illégal, mais qui permet quand même l'arrivée des migrants. Après 48, après le 14 mai, vient qui veut. Enfin, je veux dire, les Juifs qui veulent peuvent venir à partir de ce moment-là, puisque l'État est souverain. Et notamment à partir de 1950, et cette fameuse loi du retour, Alain Diekhoff, qui ouvre largement les portes à tout Juif qui voudrait s'installer en Israël. Alors, en effet, la loi de 1950, c'est la loi du retour qui officialise en quelque sorte le droit au retour de tout Juif de la diaspora, mais qui valide aussi rétrospectivement l'immigration de tous les Juifs, y compris ceux qui seraient venus dans le cadre de l'aliyah illégale. C'est-à-dire que tout le monde est légalisé, et évidemment, ce qui était quelque part normal, puisque, dans le fond, on a dit très justement, le sionisme, c'est beaucoup de choses, mais il y a deux éléments centraux. C'est un projet géographique, quelque part, c'est-à-dire qu'on veut réinscrire une population dans un territoire, le territoire d'Eretz Israël, comme on dit, la terre d'Israël, la Palestine, Et c'est un projet démographique, voilà. Une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on a compris l'essentiel. Ouais, Caroline Rosenlocke, si vous êtes spécialiste, vous, en tant que géographe de la ville de Tel Aviv, une ville qui naît en 1900, enfin, on considère que la date de naissance... 1909. C'est 1909, donc un peu plus de 100 ans à ce jour. Et donc, cette ville de Tel Aviv nous dit aussi qu'il va falloir installer toutes ces personnes qui vont arriver progressivement à partir de la déclaration d'indépendance, ou vont-elles s'installer? Dans quel espace urbain, rural, vont-elles s'installer? Et comment justement une ville comme Tel Aviv va-t-elle absorber une partie de ces nouveaux immigrants à partir de 1948-49? Alors la ville de Tel Aviv, elle absorbe l'immigration qui se fait seule, on peut dire d'une certaine manière, et l'immigration qui va se faire pas grande, vague et organisée par l'État ne va pas s'installer tellement à Tel Aviv, mais plutôt dans ce qu'on appelle des camps de transit. Pour être très rapidement relogé par l'État, effectivement, plus tard, dans les années 60, on va appeler les villes de développement. La migration qui arrive à... Il y a 27 villes de développement, c'est ça, à partir d'un certain moment, je crois, Alain Diakov, c'est quelque chose comme ça, 26 ou 27 villes de développement qui sont décrétées assez rapidement après la naissance de l'État d'Israël. Oui, une vingtaine qui se trouvent en effet dans les régions, enfin surtout dans les régions dites périphériques, c'est-à-dire le sud, le Negev, qui est un espace désertique, mais auquel Ben-Gourion tenait beaucoup, et il tenait à peupler ce désert, et puis le nord, la Galilée, où là, il n'y avait pas un désert, mais là, il y avait déjà une lutte démographique, parce que la Galilée était rester quand même un bastion, si je puis dire, avec une population arabe importante. Mais effectivement, Tel Aviv reçoit des migrations successives quand même, notamment les Juifs de Salonique, dans ce quartier dans lequel j'ai travaillé, qui s'appelle aujourd'hui Florentine, qui est la réunion de plusieurs quartiers. Mais là, l'installation se fait par le biais d'investisseurs privés, et donc pas par l'État. C'est-à-dire des Juifs, des commerçants qui sont déjà installés en Palestine dans les années 20 et qui veulent aider à la migration de leurs co-religionnaires et compatriotes. Oui, et il y a effectivement, William Berthomière, une particularité à cette installation, c'est la place que tient l'État dans cette question des migrations, je crois, mais j'espère ne pas me tromper, que c'est 93% du territoire et appartient à l'État encore aujourd'hui, je ne sais pas peut-être si c'est encore plus. Un peu plus même, voilà. Donc il y a cette question de la place de l'État dans l'installation pour pouvoir justement permettre la répartition sur ce territoire de ce nouvel état des populations qui y arrivent, William Berthomière. Oui, il y a un lien direct entre le projet politique de la création de l'État et le projet de structuration démographique de l'État. Et ce qui est très intéressant à observer par rapport aux premiers éléments que vous avez soulignés tout à l'heure, la structuration par la diversité de la population qui peut immigrer en Israël, c'est que dès ces premières vagues d'installation, on va voir une répartition assez hétérogène de la population. Si globalement l'immigration qui vient en Israël est urbaine, la localisation des nouveaux immigrants est aussi le moyen de lire la diversité des populations, parce que notamment Shlomo Sitton, qui a été un grand historien de la structuration de la population israélienne et de sa géographie, a très bien montré notamment que les zones de développement vont plutôt être des zones d'installation des populations venues d'Afrique du Nord ou d'Égypte. Hein, par exemple, dans les années 50, au milieu des années 50, plus de 70% de la population des zones de développement est originaire d'Afrique du Nord. Alors qu'à l'inverse, on trouve que 30%, à peu près un tiers du flux migratoire qui vient d'Europe de l'Est, principalement de Pologne, de Hongrie. Donc on voit bien que la géographie qui se dessine est aussi une géographie qui souligne la diversité des populations et qui aura vraisemblablement, et on l'observe aujourd'hui bien sûr, mais aura vraisemblablement des incidences sur la structuration sociale du pays. Donc là, il y a un lien également entre ce projet politique avec une structuration de la géographie israélienne sur différentes communautés. Et ces différentes communautés vont construire aussi une géographie sociale qui a une résonance politique jusqu'à aujourd'hui. Oui, Anaïs Kien. Oui, d'ailleurs, William Berthomière, on pourrait parler de ce modèle intégrateur dans le discours israélien qui pourtant est vivement critiqué depuis les années 80, notamment du point de vue de l'intégration éminemment partielle de ces juifs non ashkénazes, séfarades, misraïm, comme on les appelle, ces juifs orientaux, qui restent malgré tout et encore aujourd'hui dans des couches très modestes, même si certains accèdent maintenant aux classes moyennes et aux classes moyennes supérieures. William Berthomière. Il y a cette question question effectivement de la structuration du pays et de l'ascension sociale des nouvelles générations issues de ces populations, notamment séfarades, et qui posent problème en Israël et qui a abouti à cette définition de second Israël, hein, ces populations d'origine séfarade majoritairement ou orientale, issues des premières installations en périphérie du pays, qui n'ont pas profité effectivement du boom économique et de la réussite israélienne, comme ont pu le connaître les zones, le district central autour de Tel Aviv, ou dans une moindre mesure autour de Jérusalem et la zone de Jérusalem. Donc effectivement, cette question est très importante. Elle est peut-être liée, et là peut-être Alain Diakhoff le dirait beaucoup mieux que moi, elle est peut-être principalement liée au fait que la seconde génération séfarade n'a peut-être pas accédé au pouvoir, n'est pas entrée à des postes importants dans les différents gouvernements israéliens, et ça a peut-être effectivement limité sa capacité d'action à une époque où il fallait à la fois consolider l'État va quand même entre 48 et les années 90 connaître des événements importants avec des guerres, etc. Donc il y a toute cette problématique là qui fait que le projet d'intégration israélien qui est décrié était très contingenté aussi à la stabilisation de l'État. Et il y a pu y avoir effectivement une population, aujourd'hui il y a beaucoup de travaux qui sont développés là-dessus, de laisser pour compte de cette structure, de ce projet de structuration de l'État. Alain Diakhoff, justement sur cette question, la différence, pourrait-on dire, entre un rêve intégrateur, un rêve de melting pot, dans le documentaire de cet après-midi d'Alain Lefkovitch, qui s'intitule donc « Les bougies du désenchantement, les 70 ans d'Israël ». Alain Lefkovitch interroge des personnes qu'il a rencontrées en Israël aujourd'hui, qui disent, bah oui, on crée un Israélien nouveau qui allait justement être à l'encontre des images que l'on avait des Juifs, en particulier des Juifs européens, un Israélien qui travaille, qui est fort, qui travaille de ses muscles, que on voulait changer le corps des Juifs, dit par exemple une guide du musée qui est installée dans l'usine Atta, donc cette usine qui a créé en particulier ses casquettes et ses tenues d'ouvriers du début de la période d'Israël, des bleus d'ouvriers. Et il y a cette idée effectivement de l'unité, l'union de toutes ces populations qui viennent de partout autour d'un projet d'État nouveau. Alors, il faut bien voir, je dirais que pour moi, il y a deux périodes dans l'histoire d'Israël depuis 48. La période, en effet, qui est celle que vous décrivez, la période de fondation des années 50, 60, et je dirais grosso modo jusqu'au milieu des années 70, où le modèle, c'est ça, c'est-à-dire que on veut essayer de forger un homo israelicus. Et on le fait en essayant de mettre un peu tout le monde ensemble. D'ailleurs, le terme qui était en vogue à l'époque, c'était Mizu Galouyot, c'est la fusion des exilés. On veut mettre tout ça dans une sorte de chaudron, et après on aura l'israélien. Et mais d'ailleurs, peut-être, Alain Diakhoff, au prix d'un effacement de l'histoire des Juifs, de la présence juive en Orient, c'est-à-dire que l'histoire commence avec l'avènement du sionisme, et on a tendance à effacer. Je dirais que c'est ce qui est effacé, c'est la diaspora, c'est-à-dire que le sionisme est fondé sur ça, du point de vue idéologique, c'est la négation de la diaspora, c'est-à-dire que dans le fond, dans la vision sioniste de l'histoire juive, il y a trois périodes. Il y a la période de l'Antiquité où les Juifs étaient sur leur terre, ensuite il y a la période de la dispersion qui dure 2000 ans, qui est quelque part une non-histoire, en tous les cas une histoire dont il faut pas se souvenir parce qu'elle est pas glorieuse. On a essayé de survivre, mais finalement c'est pas là finalement que le cœur du judaïsme a battu, ce qui est discutable. Et enfin, ça, c'est la vision. Et ensuite, il y a la vision c'est la Renaissance, la fin du 19e et ensuite le 20e siècle et la création de l'État. C'est ça la vision sur laquelle, finalement, l'État est fondé. Mais le point important, c'est en effet, si je remonte en la vision dominante des années 50, 60, milieu des années 70, c'est cette vision, en effet, d'intégration, l'homo israelicus, comme j'ai dit, qui avait un nom. C'était le sabra. C'est ce qu'on appelle le sabra, en effet, celui, vous voyez, qui est en Bermuda, kaki, avec homme-femme mélangé. Ça, c'est très important aussi, d'ailleurs, hein, c'est ce qui était très, vu très très mal, d'ailleurs, négativement par exemple toutes les populations arabes qui étaient très traditionnalistes, hein, de voir le mélange comme ça des sexes, et qui était aussi en rupture avec la société juive traditionnelle, par ailleurs, hein, donc ça c'est vrai aussi, il y avait une dimension de liberté, y compris pour les femmes, qui était important, et c'est ça, c'est le figure du sabra. Mais ce modèle, dans le fond, dans les années, à partir des années 1970, il est abandonné, parce que l'État n'a plus la même capacité, d'une part, d'intégration, Et ensuite, il se rend compte qu'il y a, quand même une diversité de la population, justement avec l'arrivée très vite, en fait, dès la fin des années 40, début des années 50, des Juifs venus d'Orient, enfin d'Orient, c'est-à-dire du monde arabe, hein, des pays d'islam, qui évidemment changent la donne, parce que jusqu'alors, à l'exception de certains Juifs yéménites qui étaient arrivés dans les années 1910, l'immigration était essentiellement ce qu'on appelait une immigration ashkénaze, c'est-à-dire une immigration de Juifs venus d'Europe de l'Est, de Pologne, de Russie, tant que c'était possible, jusqu'en 1917, et de Roumanie et de Bulgarie, etc., d'Allemagne aussi, évidemment. Mais c'était autre chose. Le milieu des années 70, Alain Diakhoff, c'est aussi le moment de l'effacement décisif de la dimension socialiste du projet sioniste. Absolument, mais c'est lié, justement, c'est lié. C'est-à-dire l'État est moins fort, l'État abandonne le socialisme des origines et perd les élections. Enfin, pas l'État, mais c'est l'arrivée de la droite en 77. C'est quelque part le symptôme de cela. Caroline Rosé-Locke. Et peut-être, juste pour revenir un tout petit peu en arrière, Alain Diakhoff utilisait le terme de Sabra. On peut peut-être rappeler que Sabra, c'est figue de barbarie. C'est-à-dire, c'est la métaphore, hein, piquant à l'extérieur et doux à l'intérieur. Et c'est aussi l'idée que c'est une plante locale. Mmh. Et donc, les futurs Israéliens ou les nouveaux Israéliens, ce sont ces Israéliens locaux. Pardon. Alors, William Bertomier, si on avance dans le temps, à partir de cette date de 1948 et de cette création de l'État d'Israël, que se passe-t-il, puisque vous êtes spécialiste de l'histoire des migrations, brièvement? Alors, évidemment, dans les années 1950, il y a évidemment l'arrivée de Juifs, en particulier du Maroc, très nombreuses communautés, je crois que 250 000 arrivent dans ces années 50 et ces années 1960, du monde arabe, on l'a dit. Et puis à partir de la deuxième moitié des années 1960, des Juifs dont vous êtes un peu spécialiste, puisque vous avez travaillé sur cette communauté en Israël, à savoir les Juifs venant de l'espace soviétique qui deviendra après 1989 l'espace russe et des pays alentours, William Bertomier. Oui, très brièvement, pour donner quelques repères démographiques, hein, si on prend de 48 à aujourd'hui, on parle de plus de 3 millions d'immigrants, dont à peu près 40% sont venus après les années 90. Et cette vague d'après les années 90, comme vous l'avez dit, est très liée à l'effondrement du bloc soviétique et à l'arrivée d'immigrants d'Union soviétique. Alors, aujourd'hui, on est à peu près à plus d'un million d'immigrants qui viennent de cette région de l'ex-Union soviétique. Ce qui est très important, je pense, à avoir en tête, c'est que l'État d'Israël va se construire donc au rythme aussi de l'histoire internationale et des flux migratoires que cette histoire internationale va pouvoir générer à destination d'Israël, et comment est-ce que la diaspora elle-même va être soumise à différents facteurs qui vont l'amener à choisir d'immigrer en Israël. Et ça va être une variable très importante en Israël, parce que par exemple entre 48 et 60, plus de 65% de la croissance totale de la population israélienne est liée à la migration. Mmh. Alors dans les années 70, pratiquement plus d'immigration. Il y a un creux là. Starry, il y a un énorme creux, on n'est plus qu'à 20%. Et puis avec effectivement cet événement international qui est l'effondrement du bloc soviétique et l'autorisation que peuvent avoir les populations juives de quitter l'espace et notamment de choisir de s'installer en Israël, on revient à 40%. Donc on a effectivement une part de l'immigration qui évolue au rythme des années et qui a des énormes influences sur comment l'État d'Israël peut effectivement peut-être penser sa situation politique et géopolitique dans la région au rythme de l'évolution de sa démographie. Mm-hmm. Donc effectivement, les années 90 vont être marquées par cette énorme sursaut migratoire qui était d'une certaine manière peu imaginable avec une telle ampleur, puisqu'un pays comme Israël, qui à l'époque, au début des années 90, Israël, c'est à peu près à peine 5 millions d'habitants, mm-hmm. dont un peu moins de 4 millions de populations juives, va recevoir 1 million d'immigrants en très peu de temps. De l'ex Union soviétique. Union soviétique. Anaïs Kien. Oui, Caroline Rosenholk, une fois décrit tous ces mouvements d'Alia par vos collègues, à l'échelle d'une ville comme Tel Aviv, vous qui connaissez bien le visage de Tel Aviv aujourd'hui, voit-on ces différents mouvements migratoires s'inscrire dans la ville et persister, puisque visiblement c'est une des caractéristiques quand même de l'État d'Israël, c'est-à-dire d'accueillir, d'être un pote, mais finalement pas si mélangé que ça. très mélangé quand même, hein, très mélangé quand même. Mais effectivement, Tel Aviv est ce laboratoire qui permet de relire finalement la géographie et l'histoire du pays, puisqu'on voit des populations se concentrer dans certains quartiers plutôt que d'autres. Alors évidemment, on parlera pas de ghetto du tout, ce serait faux. Mais on voit dans les quartiers sud de Tel Aviv, qui sont pour la plupart les anciens quartiers de Jaffa, se concentrer les populations dites orientales, donc Mizrahim, Mizrahit. Et plus tard, à partir des années 90-2000, les travailleurs immigrés, dont on va certainement commencer à parler maintenant. Donc les plus modestes. Effectivement, les plus modestes. Les plus modestes et les derniers arrivés. Et parfois, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus les derniers arrivés, mais qui sont restés les plus modestes et qui sont restés un peu coincés dans ces quartiers sud, qui redeviennent des quartiers centraux à la faveur de la transformation des loyers et de Tel Aviv aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de l'installation et de la création de ces villes de développement. Alain Diekhoff, il faudrait peut-être en dire un mot pour expliquer comment se répartit sur le territoire justement cette population qui arrive en grand nombre après la déclaration d'indépendance. Ces villes de développement, on l'a dit, sont plutôt en Galilée, plutôt au nord et plutôt du côté du Negev. Elles vont accueillir des populations qui parfois ne vont pas se mélanger avec d'autres. Il va y avoir des endroits dans lesquels on va trouver des communautés quasiment, d'origine, parce que simplement on se regroupe entre communautés dans certaines de ces villes. Bah, je pense qu'il faut bien voir que là, il y a un peu un écart entre le discours qui insiste sur la fusion, donc finalement sur le mélange, et la réalité des politiques publiques mises en œuvre. La réalité des politiques publiques mises en œuvre, c'est que dans le fond, les Juifs qui viennent d'Europe vont trouver assez rapidement, pour la plupart d'entre eux, des communautés pour les accueillir. Des réseaux. Oui, absolument. Mais pour des raisons évidentes, c'est eux qui ont construit l'État. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut pas y voir une sorte de conspiration, etc. Non, c'est pas ça du tout. C'est normal, je dirais. La majorité des Juifs étant venus de l'espace russo-polonais, bah évidemment, les gens qui viennent de cet espace-là, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont plus de chances de connaître quelqu'un que quelqu'un qui va venir du Maroc. C'est une évidence. Donc, eux, ils vont être assez vite accueillis et ils pourront finalement assez bien s'intégrer hein, dans cette société nouvelle. L'histoire est différente pour les Juifs qui viennent des pays d'islam, c'est-à-dire de l'Irak, du Yémen, d'Afrique du Nord, essentiellement le Maroc et la Tunisie, puisque les Juifs algériens ils sont plutôt allés en France, hein, pour à 95%. Eux, ils arrivent dans un pays, ils ne connaissent quasiment personne. Et en plus, l'État, à cette époque-là, dans les années 50 et 60, est extrêmement présent. C'est lui qui répartit la population. C'est-à-dire que les gens arrivent en bateau à l'époque, ils commencent à arriver en avion aussi, mais ils viennent surtout en bateau. À Haïfa, par exemple, il y a des bus ou des camions qui les attendent, et on les emmène dans un endroit, ils savent même pas où ils vont exactement, et ils se retrouvent là. Donc, on leur attribue, on leur dit, bon, bah voilà, toi tu vas aller dans telle ou telle ville, ou même dans telle ou telle moshav, parce qu'on n'a pas encore parlé des habitations rurales, mais les moshavim, c'est-à-dire les villages coopératifs, vont être beaucoup peuplés aussi par les juifs d'Afrique du Nord. Donc, ou d'Orient. Et en même temps, il y a quand même aussi des différences. On les met un peu là, on est obligé de raisonner un peu en grande masse, mais évidemment, il y a des différences aussi à l'intérieur des Juifs venant des pays d'islam. C'est-à-dire que l'intégration des Irakiens va être beaucoup plus facile à bien des égards que celle des Marocains parce qu'ils viennent aussi avec plus de compétences. Enfin, il y a beaucoup de raisons qui jouent évidemment dans le succès ou dans la dimension éventuellement un peu plus limitée de l'intégration. Et dans la sociologie de ceux qui viennent, c'est-à-dire en fonction de leurs qualifications. Bien sûr. Alors, et des besoins de l'État. Et demain, justement, de nombreux témoins me disaient, mais en fait, j'ai choisi de ne pas y aller parce que j'étais bijoutier et on n'avait pas besoin de moi. Exactement. Parce que quelqu'un qui avait ce type de profil, eh bien, il arrivait en Israël, on lui disait, bon, bah, tu vas être plombier, par exemple. Sauf qu'il savait pas comment faire, quoi. Oui, et c'est d'ailleurs une des grandes vertus du travail que vous avez tous et toutes mené, Caroline Rosellot, que de, justement, distinguer très précisément toutes ces origines, à la fois en fonction des espaces dans lesquels s'installent ces nouveaux immigrants, mais aussi de leur qualification, de leur milieu social d'origine, de leur spécificité aussi de travail, par exemple, pour pouvoir, justement, et de leur origine nationale préexistante à l'installation en Israël, pour pouvoir justement affiner ce que l'on croit savoir généralement en grande masse, comme le disait Alain Diekhoff. Alors, deux réactions, c'est-à-dire, il a été dit, on se regroupe par communauté, effectivement, selon les périodes, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on se regroupe par communauté, on est placé par l'État, peut-être par communauté, mais surtout par moment d'arrivée dans telle ou telle ville. On se regroupe par communauté quand on vient de pays ou de régions urbaines, et alors on se retrouve à Tel Aviv et on se regroupe par communauté. Et puis l'autre, peut-être précision que je voudrais apporter, on a parlé de négation de la diaspora, je pense que c'est trop fort et on le voit au fil de la conversation, puisque... Avant la création de l'État, et en particulier à partir de la création de l'État, on compte énormément sur la diaspora pour venir s'installer en Israël. Donc c'est oui, mais dans l'idéologie, il y a une négation de la diaspora. Mais on en a besoin. Oui, mais bien sûr. C'est le quelque vivier part, l'idée, c'est que elle devienne de moins en moins importante. Bien sûr. Ce qui d'ailleurs, si je puis me permettre juste ce point, mais qui est quelque part, il faut aussi dire une chose dans le rapport Israël-diaspora. La diaspora juive à la fin du 19e siècle représente 98% de l'ensemble du peuple juif. Aujourd'hui, donc Israël, ce qui était pas, qu'on appelait pas Israël, c'était 1 ou 2% maximum. Aujourd'hui, on est presque à parité. C'est ça quand même quelque part la transformation. Oui, alors il y a aussi une dimension sur laquelle on a insisté depuis le début de cette émission, William Bertomier, c'est cette idée de fusion, de melting pot. Dans le documentaire qu'on écoutera cet après-midi sur France Culture, dans la série documentaire d'Alain Lefkovitch, une des témoins qu'a interrogé Alain Lefkovitch dans ce documentaire dit « on sent très bien aujourd'hui qu'on est séparés ». Alors qu'au début, on n'était pas séparés, comme si effectivement cette idée de la fusion, d'être ensemble, etc., avait fonctionné, en tout cas pour ce témoin, comme étant vraiment quelque chose de très très fort, cette idée qu'on avait la volonté d'être ensemble et de ne pas se séparer. Oui, le projet porté par le mouvement sioniste, c'est comme l'a dit Alain Diakov, c'est la fusion des exilés, c'est cette rencontre sur la terre d'Israël des différentes populations venues des différents établissements de la diaspora. Le projet est vraiment celui-ci. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus trop exagérer sur cette séparation des populations et une sorte de ségrégation sociale au sein d'Israël. Elle existe. De facto, mais il y a effectivement de nombreux lieux, de nombreuses unions qui se sont faites entre les différentes populations qui sont venues dans le cadre de la construction du projet israélien. Donc en fait, il y a effectivement plutôt l'idée que il y a cette population orientale a subi plus difficilement la question de l'intégration sociale et économique au sein du pays, que cette difficulté a pu effectivement être recoupée par des disparités géographiques, cette population a pu être placée à un moment ou à un autre dans des lieux qui ont été moins au centre du développement économique du pays. Mais je pense aussi que le principal problème, c'est un peu lié au fait que cette population est assez muette, dans le sens où on lui a pas donné suffisamment la parole, on l'a pas suffisamment écoutée, elle n'a pas eu suffisamment de relais au sein de l'establishment israélien, et ce qui fait qu'aujourd'hui, différentes associations, par exemple, militent pour la reconnaissance des difficultés qu'a pu rencontrer cette communauté. Tout le débat aujourd'hui sur l'idée de débaptiser certaines rues de villes israéliennes parce que on n'a pas envie qu'elles portent le nom de populations qui sont reconnues comme ayant laissé de côté la population orientale du pays, etc. Mais alors justement, William Bertomier, dans quelle mesure on peut voir peut-être faire leur effet de la théorie des études postcoloniales sur la société israélienne? Est-ce que c'est un outil d'analyse qui opère là-bas, malgré effectivement, la difficulté à accepter cette dimension coloniale du projet sioniste? Je pense que c'est un point important, c'est qu'il faut souligner aussi que tout le poids de la société civile israélienne, c'est-à-dire qu'en Israël, vous avez une capacité d'action aujourd'hui, d'association qui agissent à différents niveaux pour réaborder ces questions-là et prendre en charge toutes ces difficultés et d'équilibre socio-économique au sein de la population israélienne. Donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui peut-être assez méconnu à l'extérieur d'Israël, mais beaucoup d'associations travaillent justement à réfléchir comment reprendre effectivement l'histoire d'Israël, la retravailler, lui redonner plus de réalité que le grand schéma de la réussite d'un du projet sioniste, etc. Donc ça, c'est très important et ça fonctionne à différents niveaux parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'État d'Israël a quand même géré des vagues migratoires énormes. Donc la prise en charge de cette population devait se faire aussi dans l'urgence. Et quand l'immigration s'est faite moins forte, l'État d'Israël a pu gérer avec plus de facilité ces vagues migratoires, notamment les immigrants passaient par ce qu'on appelait des centres d'intégration indirects, où ils étaient accueillis dans des lieux où on leur expliquait globalement le fonctionnement de l'État, les ressources qu'ils pouvaient trouver dans l'État pour les aider à s'intégrer au sein de l'État, alors que quand les grandes vagues migratoires comme celle de l'Union soviétique se sont mises en place, on a parlé d'intégration directe, on leur a donné simplement ce qu'on appelait le panier d'intégration, de l'argent, des conseils pour trouver un emploi, et surtout une formation en hébreu, parce que ces nouveaux immigrants ne parlaient pas hébreu, notamment. Alain Diekhoff, on a évoqué le nombre de Arabes israéliens donc à la naissance de l'État d'Israël en 1948. Vous nous disiez environ en 48-49 160 000. Aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 1 500 000 Arabes israéliens. La proportion en est importante, effectivement. Quelle a été la place dans la question de cet État, de ces Arabes israéliens à qui on a donné des droits dans cette démocratie qu'est Israël? Mais qu'est-ce qui a été justement la place de cette communauté d'Arabes israéliens? Comment ont-ils trouvé une place dans cet État qui n'était a priori, qui ne correspondait pas à ce qu'ils souhaitaient eux-mêmes, même s'ils étaient restés sur place ou ils étaient revenus? Non, ça en effet, c'était la plupart d'entre eux, évidemment, se sont retrouvés dans une situation de fait où ils étaient à l'intérieur de ce qui est devenu l'État d'Israël. Donc en effet, ils sont 10 fois plus nombreux aujourd'hui. Ça, c'est démographiquement, c'est-à-dire 20% de la population, autant que les Juifs venus de l'ex-Union soviétique aujourd'hui. Bien évidemment, ils ont trouvé leur place difficilement parce que c'est un État qui est censé réaliser le droit à l'autodétermination du peuple juif. Bon, évidemment, ils sont arabes, donc ils se sont retrouvés de fait dans une situation de minorité nationale. Avec une autre minorité dont on parle peu, qui est la minorité druze aussi. Alors les druzes, ça dépend. En général, on les inclut dans la population arabe, mais c'est vrai que leur statut est différent. Leur statut est différent, ils sont beaucoup plus intégrés dans la société israélienne, ils font déjà le service militaire, ce qui est un facteur d'intégration extrêmement puissant. Ce qui est un facteur absolument capital. J'ai toujours dit, et je continue donc à penser que le service militaire, c'est le signe de l'israélité. Voilà. Un vrai israélien, c'est quelqu'un qui a fait son service militaire. Voilà. Et donc les arabes et les juifs orthodoxes. Aux femmes d'ailleurs, oui. Aux femmes. Et donc les citoyens arabes et d'un côté, et les juifs orthodoxes de l'autre côté qui font pas leur service militaire, quelque part, ils sont à la périphérie du cœur de la société israélienne en tant que telle. Ils sont citoyens, certes, mais ils sont au cœur. Et donc les citoyens arabes, je dirais qu'il y a eu deux périodes. Il y a eu la période où ils ont été soumis au gouvernement militaire jusqu'en 1966. Donc là, c'est vrai que leur liberté publique était quand même très limitée. Après, je dirais qu'ils sont rentrés dans un processus d'intégration, mais évidemment difficile malgré tout. Et je dirais qu'aujourd'hui, surtout avec la montée d'un courant quand même nationaliste assez puissant en Israël même, du côté juif, évidemment la situation de la minorité arabe est loin d'être idéale. Et pour complexifier encore un peu plus cette situation qui est déjà complexe et qu'on a racontée depuis le début de cette émission, Rosenholz, il faut expliquer qu'il y a un nouveau type de migrants et d'arrivées dans ce pays depuis maintenant une vingtaine d'années à peu près, c'est-à-dire depuis la fin des années 80, au début des années 90. Ce sont les travailleurs dont on dit qu'ils sont des travailleurs étrangers. Alors c'est pour ne pas les confondre avec des travailleurs immigrés. Pourquoi on les appelle les travailleurs étrangers justement? Alors on dit en hébreu « ovdim zarim », travailleurs étrangers. Effectivement, en français, on on dirait plutôt travailleurs immigrés. Pourquoi on ne dit pas immigrés? Parce que les immigrés en Israël sont plutôt les juifs. Mmh. Donc c'est pour les distinguer des migrants juifs en réalité. Une population qui vient d'un peu partout dans le monde, d'Afrique, d'Asie, beaucoup de Chine, de Philippines, à partir des années 90, à partir du moment où le marché du travail se ferme en réalité aux travailleurs palestiniens qui étaient très nombreux, notamment à partir de 67. Sur le marché du travail israélien. À partir des années 90, Israël ferme ses frontières à ses travailleurs palestiniens et sous la pression des employeurs, l'État décide, concède aux employeurs de faire rentrer petit à petit et à vrai dire, après, à chaque fois qu'il y aura des attaques commises par des Palestiniens en Israël, seront délivrés des permis pour les travailleurs étrangers pour venir travailler en Israël. Ils constituent dans les années 2000 13% de la force de travail du pays. Pardon. Et ils vont former jusqu'à plus de 60% de la population des quartiers sud de Tel Aviv. Donc les quartiers sur lesquels vous avez travaillé. Les quartiers sur lesquels j'ai travaillé. Et eux ont bien compris aussi la dimension intégrative de l'armée, puisque leurs enfants cherchent à tout prix à faire leur service militaire en Israël. Et ils viennent de pays comme les Philippines, la Roumanie. Ils viennent d'où exactement tous ces travailleurs? Alors, selon les périodes, ils venaient beaucoup d'Afrique jusqu'aux années 2000, Libéria, Sierra Leone, RDC. Érythrée aussi? Et alors, ce sont d'autres populations qui ne sont pas considérées comme des travailleurs immigrés, travailleurs étrangers, mais qui sont considérées comme des requérants d'asile, si on peut parler d'asile en Israël. Voilà, donc on a fait un tour rapide, évidemment, de cette question depuis 1948, des populations qui se sont pressées pour venir en Israël à partir de la déclaration d'indépendance du 14 mai 1948. On va continuer avec vous. On a beaucoup parlé d'un documentaire qui sera passé ce soir sur la série documentaire, mais il y a un documentaire de la Fabrique de l'Histoire et c'est vous qui l'avez conçu avec donc Thomas Duterre, Anaïs Quin, et qui sera diffusé demain. Absolument, oui. Donc c'est la guerre des six jours vue de Paris. Donc c'est-à-dire cette vision un peu forcément décalée des Français juifs en 1967 sur cette guerre qui dure à peine une semaine, qui est extrêmement rapide, et sur l'impact qu'elle aura au sein de la société française. Sur également la politique étrangère, la politique française vis-à-vis de l'État d'Israël, et sur les dissensions qui vont changer, qui vont bouger à l'intérieur même des différentes communautés juives de France. Oui, on écoutera ça demain, donc on en écoute un extrait tout de suite, la guerre des six jours depuis Paris, mai-juin 1967. La guerre a éclaté ce matin au Proche-Orient. Tout a commencé aux premières heures du jour entre Israël et la République arabe unie. Mais à présent, tous les pays arabes, comme ils s'y étaient engagés d'ailleurs, tous les pays arabes soutiennent effectivement, militairement, les Égyptiens. Ainsi, après des semaines de crise, après des années d'escarmouches aussi, c'est la guerre qui a éclaté avec une violence qui paraît d'autant plus grande qu'elle a été plus longtemps contenue. Le 5 juin 1967, c'est le tout début de la guerre des six jours. Donc c'était le moment fort avec les actualités. Mais précédemment, chaque jour, on voyait le blocage du détroit de Tiran, Nasser qui... Félix Nataf. Provoquait les nations. Israël qui disait on va envoyer un bateau et s'il tire, on va se défendre. À ce moment-là, nous avions très peur pour Israël. Et quand je dis nous, je parle des Juifs de France, probablement des Juifs du monde, mais je parle aussi des Français non-Juifs qui, à l'époque, avaient un capital de sympathie pour Israël énorme. Il est inversement proportionnel de celui qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on appelait la SFIO ou le Parti Socialiste, en gros, était extrêmement proche d'Israël. Et même l'extrême droite, à l'époque, c'était Tixier-Vignancourt, dont les nervis acceptaient volontiers d'aller faire le coup de poing contre les Juifs, escalité, mais qui soutenaient Israël parce que probablement ils avaient dans leur esprit la vengeance contre la défaite en Algérie, et puis aussi, peut-être, secondairement, pour ceux qui pensaient plus, eh bien si Israël existe et si Israël est fort, on va se débarrasser de nos Juifs de France. Donc ça faisait une double sympathie. Mais en ce temps-là, je peux dire que À part l'extrême gauche naissante, l'équivalent de lutte ouvrière ou de la JS, des trotskistes, qui étaient anti-sionistes, souvent c'était des juifs qui l'étaient, puisque c'était la bande à Krivine, et c'était pas inacceptable. Et puis il y avait une autre extrême gauche qui, elle, disait Israël doit exister parce que pour arriver à l'international socialiste, il faut que chaque peuple ait son autonomie. Et une fois que tous les peuples ont leur autonomie, à cet instant, on pourra faire une union mondiale. Mais hors autonomie, hors indépendance, hors culture, etc., on ne peut pas. Tout le monde, pratiquement en France, était ami d'Israël, et tout le monde tremblait pour Israël. Voilà donc un extrait du documentaire « La guerre des six jours depuis Paris, mai-juin 67 » que vous avez réalisé, Anaïs Quin, et conçu avec Thomas Duterre. On continuera cette semaine sur l'invention d'un État mercredi. Mercredi, nous serons avant la création d'Israël en 1948, avec à travers l'œuvre de Elmar Lersky, auquel est consacrée une rétrospective, une exposition rétrospective au musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui s'est fait un des fondateurs de la photographie et du cinéma israélien. Voilà, c'était donc dans les années 30 jusqu'en 1948, justement. Mais qui quittera Israël avant même sa fondation en 1948 pour rentrer en Europe. Et puis, pour terminer notre série, jeudi, nous ferons une discussion autour de l'histoire des processus de paix. Un autre grand chapitre que nous attaquons. Ouais, effectivement. Il va s'agir effectivement de peut-être mettre un petit peu plus de clarté sur ce processus de paix sans fin. Et donc, nous y reviendrons avec trois historiens à qui nous demanderons de nous aider à nous rappeler ce qu'est ce processus de paix et ses différentes étapes. Merci à vous trois, donc à vous William Berthomière qui était avec nous au téléphone, à vous Alain Diekhoff et à vous Caroline Rosenholt, que vous allez publier d'ici peu de temps chez Créafis un livre qui s'intitule Tel Aviv, le quartier de Florentine, un ailleurs dans la ville. Donc c'est chez Créafis et c'est d'ici quelques jours ou quelques semaines, c'est cela ? Quelques jours, voilà. Donc excellente maison d'édition qui travaille beaucoup sur l'urbanisme et la ville. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Emmanuel Morsdinkant est avec nous ce matin à la technique et Thomas Duterre à la réalisation.